Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Hugo Chavez, le pétrole vénézuélien et la révolution bolivarienne. Voilà plusieurs semaines que le Venezuela fait la une de l'actualité à l'étranger. Il se trouve que ce pays d'Amérique latine traverse une période de contestation sociale hors norme. Jour après jour, à Caracas et dans les grandes villes, le mouvement d'opposition se durcit. Les affrontements entre policiers et manifestants se multiplient, la tension est permanente. Malgré les critiques de ses voisins latino-américains et de la communauté internationale, le président vénézuélien Nicolas Maduro continue son numéro d'équilibriste et s'accroche coûte que coûte au pouvoir, laissé vacant 4 ans plus tôt par un certain Hugo Chavez. Dirigeant aux inspirations populistes pour les uns, sauveur à la volonté populaire pour les autres, la personnalité et les idées d'Hugo Chavez suscitent toujours un vif débat parmi les intellectuels du monde entier. Et bien souvent, ce débat provoque des raccourcis historiques ou de coupables amalgames. Tantôt, Hugo Chavez est l'homme qui voulait redistribuer la richesse nationale à son peuple. Il est l'un des personnages qui aurait en réalité privé les Vénézuéliens de leurs droits. Voilà, c'est pour cette raison et pour tordre le cou aux idées reçues qu'Affaires Sensibles vous propose aujourd'hui de vous plonger et de vous replonger dans le Venezuela des années de Chavez, sachant que dans cette affaire, évidemment, le pétrole joue un rôle prépondérant. Notre invité aujourd'hui, l'historien Olivier Compagnon, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Il dirige l'Institut des hautes études de l'Amérique latine ainsi que le Centre de recherche et de documentation des Amériques. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Schlegel et Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Pendant des siècles, cette région était un monde perdu au sein de montagnes infranchissables, sillonnées par des torrents alimentant un fleuve immense. C'était une jungle où l'homme ne pouvait pénétrer. Située sur la côte nord du continent sud-américain, le Venezuela est formé par le bassin de l'Orénoque. Pendant 300 ans, le Venezuela fit partie de l'Empire espagnol. Vers 1820, les républiques sud-américaines gagnèrent leur lutte pour l'indépendance. L'un des grands instigateurs de ce mouvement était un Vénézuélien, Simon Bolivar. Le Venezuela est un pays agricole. Mais au XXe siècle, la découverte de gisements pétrolifères lui ouvrirent de nombreux horizons économiques. Au début des années 60, à la télé nous parviennent les images d'un pays en pleine métamorphose. Ce territoire à la végétation luxuriante, au paysage de cartes postales et dont la superficie équivaut à deux fois celle de la France, c'est donc le Venezuela. Idéalement placé sur les routes des comptoirs, au carrefour du monde andin et caribéen, le Venezuela fut pendant longtemps une étape importante dans la traversée de l'Atlantique par les navires de commerce. Mais aujourd'hui, s'il intrigue les médias européens autant qu'il fascine les entrepreneurs du monde entier, c'est pour une autre raison. Le Venezuela regorge en effet de fer, d'acier et de pétrole. Bingo ! Et les chiffres des experts donnent tournis. Les 7 millions de Vénézuéliens seraient assis depuis des siècles sur de gigantesques réserves d'or noir qu'on estime alors équivalente à celles d'un pays comme l'Irak. Ainsi, en l'espace d'une décennie, le Venezuela devient l'un des pays les plus industrialisés du continent, avec à la clé croissance économique, croissance démographique et urbanisation galopante. Et Caracas, la capitale, se transforme en point de chute privilégié pour les grandes compagnies pétrolières étrangères. Il se trouve en effet que ce pétrole qui coule abondamment dans les veines du pays n'appartient pas au Venezuela, non. Il est entre les mains de plusieurs grandes familles et de groupes étrangers qui l'exploitent comme bon leur semble. Au tournant de la décennie 70, à une période où un nombre croissant de dictatures gangrène le continent sud-américain, la rente du pétrole permet au Venezuela de tirer son épingle du jeu. Et elle permet au pays de Simon Bolivar d'afficher des niveaux de revenus, de santé et d'éducation parmi les plus élevés des pays en voie de développement. à tel point que le secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, ira même jusqu'à vanter, je le cite, le modèle démocratique et la responsabilité salutaire des dirigeants de Caracas. Ceux-là même qui laissent les mains libres aux géants américains des forages, ça s'appelle la reconnaissance du ventre. Autre facteur qui explique cette apparente stabilité politique au Venezuela, l'alternance. Au Parlement, à Caracas, les deux forces politiques majeures du pays, l'Action démocratique et la COPEI, le Comité d'organisation politique électorale indépendant, se partagent le pouvoir et les responsabilités au sein d'une coalition de bon aloi. Fort de ce consensus politique, le Venezuela, état fondateur de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, fait alors figure de bon élève de la classe. Tout va pour le mieux. Les perspectives sont excellentes. Face à cette richesse nationale que constitue le pétrole, le gouvernement de Caracas, avant Chavez, décide de nationaliser l'exploitation sur tout le territoire. Au même moment, sur les marchés, les cours du brut s'emballent, le prix du baril flambe, la spéculation va bon train. Qui peut alors imaginer que l'or noir sera comme un cadeau empoisonné? Qui peut alors se douter que s'écrivent ici les premières lignes d'un chaos? Depuis le 26 décembre dernier, plus une goutte de pétrole n'a quitté l'Iran et on est passé brusquement d'une situation où l'or noir était surabondant, au point que les producteurs consentaient des ristournes, à une situation où il manque à peu près 3% à la production mondiale pour satisfaire la demande. Conclusion, tout le monde cherche à faire des stocks supplémentaires et les prix montent de façon spectaculaire sur le marché libre. Certaines grandes compagnies ont déjà annoncé qu'elles allaient réduire leurs livraisons. C'est le cas de la British Petroleum, qui s'approvisionnait surtout en Iran, et qui va réduire de 45% ses expéditions d'ici la fin du trimestre. Plusieurs pays comme la France, la Belgique ont déjà pris des mesures pour empêcher l'exportation de produits pétroliers que certains sont prêts à acheter à n'importe quel prix. Au mois de mars 1979, le deuxième choc pétrolier frappe le monde. Après le premier épisode de 1973, au moment de la guerre de Kippour, c'est cette fois l'instabilité politique en Iran, provoquée par le renversement du Shah, qui engendre une hausse importante du prix du brut. Conséquence sur le court terme, les pays exportateurs gagnent plus. Oui, mais sur le long terme, le scénario se révèle dramatique. En effet, la très forte augmentation du prix du baril entraîne un ralentissement de la demande, ce qui engendre une chute considérable des revenus pétroliers. À vendre trop cher, eh bien, on ne vend plus. Au Venezuela, le phénomène est d'autant plus important que le pétrole constitue plus des deux tiers des recettes. Alors, très vite, ce qui devait arriver arrive, le pays sombre dans la crise économique. On décide en urgence de reprivatiser les entreprises étrangères. On met en place des mesures strictes sur l'encadrement des prix à la consommation. On baisse les salaires. Mais rien n'y fait. Les mois, puis les années passent, et la situation du pays au cours de la décennie 80 se rapproche d'un seuil critique. Au même moment, les principales villes sont le théâtre de grandes manifestations qui tendent parfois l'émeute. Les Vénézuéliens dénoncent les dérives libérales de leur classe politique. Ils accusent notamment leurs responsables de s'enrichir et de se livrer à toutes sortes de malversations. Sur place, l'ambiance est électrique, la tension palpable. Avanzan por la carretera panamericana norte hacia la capital 10 vehículos de transportes de tropa del regimiento de infantería de la ciudad de San Felipe. La población civil tiene guardar calma. Le 4 février 1992, les rues de Caracas se transforment en chantier. Sans crier gare, au petit matin, en effet, un groupe de bataillons parachutistes fait une entrée fracassante dans la capitale. Fusils à la main et grenades en bandoulière, ils font parler la poudre et foncent vers le palais de Miraflores, là où siège le président de la République. Sur France Inter, le journaliste Luc Lemonnier fait le point. Ce qui est sûr, c'est que des coups de feu et des tirs de canon ont été entendus à Caracas tôt ce matin, que des blindés légers de transport de troupes ont été déployés autour du palais présidentiel et que le directeur de l'information de la télévision d'État a indiqué que la chaîne était tombée aux mains des rebelles au prix de plusieurs morts. J'ai pu contacter il y a quelques minutes une Française qui participe à un congrès de médecine à Caracas. Voilà ce qu'elle a vu et entendu à la télévision. Il y a un militaire qui parle, qui dit qu'ils en ont marre de leur président, qui ne comprend pas la douleur du pays. À l'hôtel, on m'a dit que, effectivement, il y avait eu un coup d'État. J'ai une vue sur une grande avenue, il n'y a rien. La seule chose, c'est que c'est vrai que je me suis réveillée un peu avant que vous m'appeliez parce que j'entendais passer des avions très bas. D'habitude, il n'y a pas d'avions ici, enfin, on ne les entend pas, quoi. Et là, ça faisait comme des avions à réaction qui passaient très bas. Si le coup d'État du 4 février 1992 se solde par un cuisant échec politique, l'histoire retient qu'il fut à l'inverse un profond succès médiatique. Car ce jour-là, un jeune lieutenant-colonel de l'armée se fait le chantre et le visage des putschistes à la télé. Il a 38 ans, le cheveu court, un béret rouge sur la tête, un treillis militaire sur le dos et le visage carré. Son nom, Hugo Chavez. Ensuite, les années passent. Le Venezuela s'enfonce dans un puits sans fond. En 1994, une crise bancaire ébranle un peu plus le pays. L'économie tourne toujours au ralenti. De son côté, la classe politique donne le sentiment d'être à bout de souffle. Elle est à la fois incapable de proposer des réformes et de tenir ses promesses électorales. Lassée de la corruption, la population réclame un profond changement. Et c'est là qu'intervient Hugo Chavez, l'homme du putsch manqué de 92 et qui fut un temps emprisonné avant d'être gracié. L'ancien militaire prend la tête d'une formation politique inédite, le Pôle Patriotique, conglomérat d'une dizaine de partis de gauche. En vue des élections de 1998, il entame alors une vaste campagne populaire. Partout dans le pays, son discours en faveur d'une refonte du système démocratique et surtout une répartition plus équitable des richesses suscite un vif soutien de la population. Le peuple applaudit Chavez, le peuple aime Chavez et bientôt le peuple va faire le choix Chavez. Ainsi, le 6 décembre 1998, à l'issue de l'élection présidentielle, un nouveau président s'installe au palais des Miraflores, Hugo Chavez, bien sûr. Avec 56,5% des voix, les Vénézuéliens l'ont choisi pour assurer et symboliser l'avenir du pays pour les 4 prochaines années. Et si sa nomination provoque une onde de choc parmi la classe dirigeante, c'est en grande partie parce que c'est la première fois depuis un demi-siècle que le chef de l'État n'est pas issu des rangs de l'un des deux grands partis de coalition, la COPEI et la D. Non, Chavez est le candidat du peuple, celui des laissés pour compte, des pauvres et de tous ceux qui veulent en finir avec la misère dans le pays. À l'annonce de son élection, l'espoir est immense, tout comme l'est la crainte des grandes familles bourgeoises, de la vieille oligarchie politique et du patronat de voir leurs privilèges abolis. Dès sa prise de fonction, en février 1999, l'ancien lieutenant-colonel Chavez donne le ton. Il entend refonder la République et en faire une démocratie populaire et participative. Raison pour laquelle il convoque dans la foulée une assemblée constituante, comprenant une institution collégiale qui va avoir pour tâche de réécrire la Constitution. Quelques jours plus tard, sous la chaleur écrasante de Caracas, le président Chavez monte à la tribune. Il salue des milliers de militants, tous vêtus de rouge et qui portent casquettes de baseball sur la tête. L'opposition crie un spectacle de démagogie. Chavez, lui, appelle le peuple à choisir son destin. Bonsoir. Bonsoir à tous. El ciudadano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chavez Frías. Tout d'abord, au nom de notre peuple, au nom du gouvernement bolivarien, soyez toutes et tous les bienvenus dans ce pays, dans cette patrie. Les États-Unis d'Amérique semblent être destinés à infester le continent américain de misère, au nom de leur soi-disant liberté. C'est ce que disait déjà Simon Bolivar en 1820. Vu d'Europe, le verbe et la fougue d'Hugo Chavez suscitent beaucoup de questions dans l'opinion. Qui est donc cet homme qui prétend redonner le pouvoir à son peuple, s'interrogent les journalistes du quotidien Le Monde. Quel sera le visage du Venezuela de demain, écrivent à leur tour les éditorialistes de Libération. Remonter le parcours d'Hugo Chavez et se plonger dans un récit surprenant à plus d'un titre. Oui, un récit, une histoire, concept devenu prégnant en politique. Né en juillet 1954 dans une famille d'enseignants dans le nord-ouest du pays, Hugo Rafael Chavez Frias, de son vrai nom, possède la particularité d'être Zambo, autrement dit, métis de racine noire et indienne. Bref, il ne fait pas partie de la caste blanche et de la bourgeoisie de Caracas. À l'école, le jeune Hugo suit une scolarité sans anicroche mais sans briller. À l'âge de 17 ans, il devient cadet à l'académie militaire. Une institution qu'il intègre non pas grâce à ses résultats en classe, mais grâce à ses dons de joueur de baseball, mais oui. Ensuite, il poursuit avec une maîtrise de Sciences Po à l'université de Caracas. Il vit en direct l'effondrement de la société vénézuélienne au début des années 80, provoqué par le second choc pétrolier. Cet épisode provoque chez lui et chez quelques autres une prise de conscience. Face à la crise financière et sociale, ils en sont persuadés, il faut renouveler l'offre politique. Alors, dans le secret, avec quelques camarades, ils fondent une cellule militaire clandestine, le Mouvement Bolivarien. Mouvement qui veut fédérer la population pour changer le cours de l'histoire au Venezuela. En 1992, Hugo Chavez accède à la popularité, on l'a vu lors du spectaculaire coup d'État manqué de Caracas. Dans les années qui suivent, il met à profit son image désormais connue par une grande partie des Vénézuéliens pour poursuivre la lutte et il appelle à la création d'une 5e République. Il joue de son charisme et invente de nouvelles formes de communication politique fondées sur des interactions directes et des médiations réduites. Et très vite, il incarne pour beaucoup l'espoir d'un changement qui se concrétise avec sa victoire à la présidentielle de 1998. Au micro de Daniel Mermet, le journaliste et universitaire français Bernard Cassin décrypte le discours et le personnage de Chavez. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est une personne cultivée, modeste, qui écoute, qui demande des avis, qui connaît ses limites, qui a une vision stratégique de l'Amérique latine. Il n'inscrit pas la révolution bolivarienne dans le seul cadre du Venezuela, mais il a une vision de l'Amérique latine, donc il voit large, en quelque sorte. Alors, sur le plan humain, le charisme de Chavez, qui est indéniable, vous aurez aussi remarqué qu'il ne le canalise pas vers sa personne, il le canalise vers la Constitution. Il a toujours, d'ailleurs, une Constitution dans sa poche, comme beaucoup de Vénézuéliens, et il dit, voilà, vos droits sont là, dans ce texte. Vous êtes des citoyens, vous avez des droits. Quelques mois plus tard, en juillet 99, Hugo Chavez et ses partisans obtiennent une victoire écrasante lors des législatives. La révolution chaviste démarre. Le président voit ses pouvoirs renforcés, son mandat allongé. Le pays change de nom. Sur les cartes du monde apparaît alors la République bolivarienne du Venezuela. Pour la première fois en Amérique du Sud, les populations indigènes obtiennent des droits. Par la suite, lors d'un grand référendum, plus de 70% des Vénézuéliens se prononcent en faveur de ces changements. Preuve que Chavez jouit alors d'un soutien massif pour mener à bien ses réformes. Ce soutien est d'autant plus important qu'il prend en main un pays au bord de la banqueroute. À Caracas, en effet, les caisses sont vides. Le chômage atteint des proportions endémiques. Rien que pour l'année 1999, la récession atteint les 7%. La faute à un pétrole toujours trop cher sur les marchés internationaux. Un pétrole qui ne se vend pas et qui reste dans les cuves et les camions-citernes. Autre élément qui joue d'emblée contre Hugo Chavez, le refus du secteur patronal de coopérer avec le gouvernement sur certains projets. Pour de nombreux historiens, ici s'écrivent les premières lignes d'un affrontement idéologique entre les patrons et le pouvoir. Affrontements qui seront par la suite à l'origine d'un passage en force des chavistes pour appliquer leur politique. Alors que les nuages s'accumulent autour du palais de Miraflores, le président Hugo Chavez, lui, fait la promotion de sa révolution bolivarienne à la télé. À raison de près de 40 heures par semaine, dans un exercice médiatique au format inédit, il répond aux appels et aux questions des Vénézuéliens en direct sur l'une des principales chaînes de télévision. Cette émission, qui va devenir un rituel national, est intitulée « Allô, Presidente ». RNB, la radio de la información, presenta... Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo. Le drapeau, les enfants, la patrie et Libertador, Simón Bolívar, Hugo Chavez puise dans les valeurs traditionnelles du peuple vénézuélien pour nourrir ses réponses. De son côté, l'opposition politique hurle à la personnification du régime à outrance et tire à boulet rouge sur ce président aussi omniprésent qu'omnipotent. Parmi la bourgeoisie et l'establishment pétrolier, tous veulent déstabiliser Chavez, mais rien n'y fait. Au mois de juillet 2000, les premières élections générales sous le régime de la nouvelle constitution instituée par le nouveau président tournent encore largement à son avantage. Et le résultat est sans appel, plus de 59% des voix. Ainsi, à la fin de l'année 2000, après 2 ans au pouvoir, la démocratie participative tant prônée par Hugo Chavez est en place. La révolution bolivarienne, elle, est en marche. Le peuple vénézuélien, dans une large majorité, la soutient. malgré la précarité économique, tous les feux sont au vert. Prochaine étape pour les partisans de Chavez, établir une nouvelle constituante économique pour redistribuer la richesse du pays à la population. Et pourtant, cet état de grâce vacille sans qu'on en s'en aperçoive, parce qu'en coulisses, un grand nombre d'acteurs militent pour mettre un terme à l'expérience révolutionnaire du président Chavez. Et on ne le sait pas encore, c'est le pétrole, encore lui, qui va avoir le dernier mot dans cette histoire. Llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa, siempre a deshora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Teresa, Casa, Mar. Décembre 2001, le convoi présidentiel de Hugo Chavez file toute sirène hurlante dans les rues de Caracas. Depuis plusieurs semaines, rien ne va plus entre le chef de l'État vénézuélien et les milieux d'affaires du pays. L'état de grâce sur lequel vivaient les chavistes depuis leur arrivée au pouvoir 3 ans plus tôt est désormais rompu. En cause, la promulgation d'une série de 49 lois décrets par le président. Parmi les mesures qui font débat, il y a notamment celle de la réforme agraire. Chavez menace de s'en prendre aux terres des grands propriétaires et des exploitations. La mesure soulève la colère d'une grande partie des familles de la bourgeoisie qui possèdent précisément la majorité des terrains agricoles. Autre point sensible, l'une des lois du dispositif impose un encadrement beaucoup plus strict des pratiques pétrolières. Le président Chavez entend renforcer le contrôle de l'État sur tout ce qui concerne l'or noir au Venezuela. La puissante organisation patronale Fedecamas affirme qu'il s'agit là d'un premier pas vers une nationalisation de tout le secteur. L'inquiétude gagne la population, plusieurs organisations syndicales appellent à la grève. À la fin du mois de décembre 2001, le Venezuela se retrouve paralysé de l'intérieur. Le mouvement social est suivi par les classes moyennes. Car l'espoir que le changement avait entretenu sur cette partie de la population tourne maintenant à la désillusion. D'autant que mois après mois, la situation économique et sociale se détériore. À cause des attentats du 11 septembre, quelques mois plus tôt, les cours du pétrole sont au plus bas. L'État n'arrive plus à faire rentrer l'argent dans les caisses. Les résultats de la politique chaviste, notamment en matière de santé, de lutte contre la corruption et de sécurité, s'en ressentent. Une partie des programmes n'est plus financée, d'autres sont tout bonnement abandonnés. Au micro de journalistes étrangers, les Vénézuéliens interrogés affichent un sentiment partagé sur la politique du président. Il y a eu tellement de lois qu'on a, on était forcé de râler. On ne pouvait pas critiquer chaque loi. Mais si on prend chaque loi par loi, il y a de nouveau les jolies choses. Ça, c'est la tragédie chez Chavez. Parce qu'il y a des jolies choses. La loi de la terre, par exemple, si on examine un peu la loi de la terre, c'est tout à fait staliniste. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas joli. Il veut redonner la terre aux travailleurs. Mais écoute, pourquoi pas la terre qui est déjà prise, pourquoi pas stimuler les gens, qu'ils travaillent plus, qu'ils produisent plus, avec quelques incentives, en fait. Au lieu de ça, il te menace. Si tu ne produis pas à la fin de cette année, je prends ta terre. Quelques mois plus tard, au début du mois de février 2002, Hugo Chavez tente de reprendre l'initiative. Le président vénézuélien annonce un plan d'austérité de grande ampleur et une levée massive des impôts pour les sociétés. Et cette fois, ce sont les syndicats de patrons qui se mobilisent. À Caracas, la tension monte. La goutte d'eau qui va faire déborder le vase tombe quelques jours plus tard. Sans préavis, les dirigeants de la société pétrolière publique PDVSA sont renvoyés, remplacés dans la foulée par une nouvelle équipe proche du président Chavez. Le prétexte est alors idéal pour que la Fédération des patrons vénézuéliens accuse le président de népotisme. Et l'armée, qui était jusque-là restée à l'écart, entre en scène. Une partie d'entre elles entre en rébellion. Et le 11 avril, Chavez est renversé par un coup d'État. Présent sur place à Caracas, le correspondant de RFI, Pablo Ekel, raconte. Le président Chavez a été contraint de signer sa démission au palais présidentiel de Miraflores. Le général en chef, Lucas Rincón, qui avait annoncé le soutien des forces armées au président dans l'après-midi d'hier, a annoncé lui-même, tard dans la nuit, que Chavez avait démissionné et a annoncé aussi la démission de tout le haut commandement militaire. Chavez est détenu au Fort Tuna, le siège le plus important des militaires à Caracas. Bien que dans les premières heures, le coup d'État a voulu cacher son nom, l'incertitude sur le plan institutionnel a poussé le patron des patrons, Pedro Carmona, à présider la junte provisoire de gouvernement aux côtés des militaires insurgés. Carmona a annoncé des élections le plus tôt possible. Première décision du nouveau président, Pedro Carmona, mettre un terme à la révolution bolivarienne. En grande pompe, les télés privées annoncent déjà qu'Hugo Chavez pourrait même rester pendant plusieurs mois en prison. Mais le peuple vénézuélien, lui, ne l'entend pas de cette oreille. À l'annonce du coup d'État, plusieurs milliers de personnes descendent dans les rues pour manifester. Les militaires qui s'étaient rangés du côté de Carmona hésitent, puis renoncent. Le nouveau pouvoir se retrouve isolé. Conscient de la précarité de la situation, Pedro Carmona finit par renoncer. Et le 14 avril, trois jours seulement après avoir été renversé, Hugo Chavez fait un retour triomphal au palais présidentiel de Miraflores. Sur les ondes de la radio nationale, il prononce un grand discours et appelle les Vénézuéliens au calme. « Désormais, dit Chavez, nous devons nous réconcilier, car l'ennemi n'est pas à l'intérieur de notre pays. Non, il est à l'extérieur. » Vu la tournure des événements, ce coup d'État est finalement une aubaine pour Chavez et ses partisans. D'une part, cet événement constitue la preuve que beaucoup cherchaient depuis longtemps. Ils peuvent maintenant affirmer qu'à Caracas, certains tentaient d'entraver l'action du président. D'autre part, elle sert de prise de conscience pour une partie de la population qui n'était jusqu'alors pas forcément chaviste. C'est le cas par exemple de Mireia, une directrice d'école. Je n'ai pas voté pour Chavez. J'étais indifférente au processus. Je ne rends pas un culte à sa personnalité. Mais après le 11 avril, après le coup d'État, quand j'ai vu ces gorilles revenir au pouvoir et faire tout ce qu'ils ont fait, les arrestations, les crimes que Chavez n'avait pas commis pendant 3 ans. Alors quand j'ai vu cela, j'ai valorisé ce que nous avions. Et je préfère 1 million de fois Chavez qui a perdu du prestige, mais qui humainement est quelqu'un de bien. Alors j'ai valorisé tout ce que nous avions et maintenant je suis dans la rue pour défendre Chavez. « Tout au long des années 2003 et 2004, fort du soutien qu'il conserve parmi les populations les plus pauvres, Chavez continue ses réformes. Le président vénézuélien chiffre ses projets et s'engage sur la durée. Parmi les principaux objectifs, la lutte contre l'insécurité et la corruption. Mais malgré ses efforts et celles de son gouvernement, les progrès sont minces. Toujours au cours de l'année 2004, l'opposition, qui n'a décidément pas dit son dernier mot avec la révolution bolivarienne, joue son va-tout. Elle demande un référendum pour déstabiliser le président Chavez. Le vote a lieu. À la question « Voulez-vous révoquer Hugo Chavez de ses fonctions de chef de l'État ?», les Vénézuéliens répondent « Non » à plus de 59%. Et deux ans plus tard, en 2006, alors candidat à sa propre succession, Hugo Chavez est largement reconduit avec plus de 63% des voix, reconduit donc à la tête du pays. Aujourd'hui, 15 février, vous avez écrit mon destin. Mon destin politique qui est celui de ma vie. Je souhaite vous dire que je l'assumerai pleinement en mon âme et conscience. Je l'assumerai pleinement. L'impulsion pour cette révolution est donnée. Personne ne pourra l'empêcher. Nous devons maintenant donner à cette révolution la bonne direction. La direction correcta a esta revolución. Cette révolution et cette direction s'appelle le socialisme. En l'espace de quelques mois, sous l'impulsion du président Chavez, le Venezuela prend un virage socialiste radical. Malgré la contestation populaire, le gouvernement décide d'imposer plusieurs mesures fortes à la symbolique politique non moins forte. D'une part, un contrôle des médias, on notera la fermeture d'une chaîne de radio-télé dont la ligne éditoriale faisait selon les chavistes le jeu de l'opposition. Ensuite, pour tenter d'aller plus vite, le gouvernement propose une série de réformes, parmi lesquelles le droit à l'expropriation sans procédure judiciaire, la création d'une milice populaire qui serait placée directement sous les ordres d'Hugo Chavez, une sorte de garde prétorienne. Et puis on nomme des responsables militaires dans la haute fonction publique et dans les entreprises d'État. Cette série de mesures est vivement dénoncée à l'international par les Vénézuéliens expatriés, tout comme par une partie de la population d'ailleurs, comme ici l'historienne Margarita López Maya. Le projet de la démocratie participative était de fortifier la société pour contrôler l'État. Mais Chavez, dès son second mandat, nous a proposé de fortifier l'État et de faire disparaître la société. C'est le même État pétrolier que nous connaissions avant, où la société ne peut pas contrôler la corruption et l'inefficacité des élites. Moins d'un an plus tard, en 2007, l'État vénézuélien continue sur sa lancée et récupère en échange d'indemnisation plus de 80% des installations pétrolifères du bassin de l'Orénoque, un site stratégique dont les experts estiment qu'il serait la plus grande réserve de pétrole au monde. Ainsi, plusieurs grandes compagnies, comme le géant américain du pétrole ExxonMobil, perdent tout droit de propriété et d'exploitation. Sur la scène internationale, Hugo Chavez maintient un bras de fer avec Washington. Partisan d'un monde multipolaire et d'une Amérique du Sud libérée, c'est son côté bolivar, le président vénézuélien accuse son homologue à la Maison-Blanche, George Bush, de soutenir ses opposants. Et Chavez menace les Américains de ne plus les fournir en or noir. À l'inverse, il noue des contacts étroits avec Cuba, la Chine, la Russie et restaure une amitié durable avec son grand voisin, le Brésil. À l'issue d'un nouveau référendum en 2009, la constitution du pays est de nouveau modifiée. Chavez, président depuis plus de 11 ans, peut se présenter de nouvelles fois pour un troisième mandat. Au même moment, des rumeurs courent sur son état de santé. On le dit malade, atteint d'un cancer avancé. Dans les faits, à partir de 2011, il multiplie en effet les séjours à Cuba où le médecin personnel de Fidel Castro s'occuperait de lui. Réélu en 2012 pour un nouveau mandat de 6 ans qui devait le conduire à la présidence du pays jusqu'en 2018, Hugo Chavez meurt le 5 mars 2013 dans un hôpital de Caracas sans avoir pu prêter serment, mais après avoir choisi comme héritier un ancien chauffeur de bus proche du commandante depuis les années 90, Nicolas Maduro, toujours en poste au moment où nous parlons. Avec Hugo Chavez, une page de l'histoire vénézuélienne se tourne, un chapitre de l'histoire sud-américaine se referme, le mythe, lui, reste entier. Respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down. They say that I carry too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. To call me small island girl. Now I travel the world. Anywhere they go, they know I am Calypso, Rose Queen of Calypso. They say that I carry too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making blood to take the meaning. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Hugo Chavez, notre invité Olivier Compagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et vous avez notamment dirigé Le Venezuela au-delà du mythe avec Julien Robotier et Sandrine Revet. C'était aux éditions de l'Atelier en 2009. Alors, si je vous pose la question, qui était ce monsieur Chavez? Alors, évidemment, nous l'avons dit dans le récit, mais votre regard est peut-être sinon différent, en tout cas complémentaire. Qui était donc ce monsieur Chavez? Que voulait-il? Quel était son grand dessein? Alors, je vous dirais d'abord que Chavez, c'était un symptôme. Lorsqu'il est élu le 6 décembre 1998, c'est le symptôme d'un pays extraordinairement riche, l'un des tout premiers exportateurs de pétrole du monde depuis les années 30, quand même. Relativement peu peuplé, 25 millions d'habitants, où, à la fin des années 90, 48 à 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et au fond, l'élection de cet outsider de la politique, parce que vous l'avez rappelé, il vient un peu de nulle part. C'est pas un haut gradé, c'est un militaire de seconde zone au départ, et le produit d'un pays qui, dans ces années 90, qui sont les années du néolibéralisme à outrance dans toute l'Amérique latine, d'un pays qui, à un moment donné, refuse cette contradiction majeure entre les richesses pétrolières, la rente pétrolière et la non-redistribution. Voilà, c'est donc ça. C'est le symptôme de ça. D'accord. Alors ensuite, on adosse l'action d'Hugo Chavez à la révolution bolivarienne. Alors c'est un peu facile de s'adosser à Bolivar, qui est un mythe pour toute l'Amérique du Sud, mais là c'est peut-être justifié. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que sa révolution est une révolution bolivarienne dans l'esprit d'émancipation de Bolivar? Alors, la révolution bolivarienne, c'est une étiquette. C'est ça, voilà. La plupart des spécialistes des années de Chavez nous disent que, au fond, la gouvernance de Chavez, ça a été du pilotage à vue. Un coup à droite, un coup au centre, un coup à gauche, selon les circonstances. Dans un contexte politique assez troublé, vous avez rappelé par exemple le coup d'État de 2002 ou le référendum révocatoire, manqué par les opposants, en 2004. Au fond, la révolution bolivarienne, c'est d'abord la tentative de proposer une politique alternative aux grandes recettes néolibérales qui avaient été imposées essentiellement par le FMI, à toute l'Amérique latine depuis la fin des années 80. Et c'est en cela que, au-delà du symptôme que j'évoquais, ça devient très vite aussi un symbole. Un symbole en Amérique latine, un symbole d'opposition à ce modèle néolibéral qui semble incarner la fin de l'histoire, hein, pour reprendre le mot fameux de Francis Fukuyama juste après la fin de la guerre froide. Et bien Chavez, à un moment donné, il dit non. Il dit non, il y a d'autres modèles possibles. Alors ensuite, lorsqu'on rentre dans le détail, effectivement, c'est un peu du pilotage à vue et c'est difficile de définir cette révolution bolivarienne. C'est souveraineté nationale, notamment face aux États-Unis. Émancipation. Oui, mais même s'il faut toujours rappeler qu'il y a ce discours de souveraineté, de provocation à l'époque de George Bush notamment, et en même temps, l'Amérique, les États-Unis sont toujours le premier partenaire commercial du Venezuela pendant toute la période, donc il faut prendre ses distances. Il y a l'idée de refondation de la démocratie avec la promotion de la démocratie participative par le bas. On s'arrête là-dessus, une minute. Chavez, démocratie. Alors, d'une part, promotion de la démocratie participative. C'est une question. Promotion de la démocratie participative, mise en place de toute une série de dispositifs à l'échelle locale pour faire remonter la volonté populaire. Simplement, ce qu'on sait, c'est que de cette échelle locale vers le sommet du pouvoir, il y a un certain nombre de barrières qui n'ont jamais fait bien fonctionner cette démocratie participative. Et alors après, pour répondre plus généralement, Chavez, démocratie, oui, au sens où il a toujours été le produit de la volonté populaire. Si on regarde toutes les consultations électorales, évidemment très observées hein, par toute une série d'institutions internationales, entre son élection de 98 et sa mort, il gagne tout. Sauf une fois le référendum constitutionnel de 2007, il gagne à hauteur en gros de 60% contre 40%, et ça c'est absolument indéniable. Il a été le produit d'une volonté populaire, essentiellement c'était un vote de classe, hein, pour le dire très vite, des Vénézuéliens les plus défavorisés. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu des pratiques autoritaires. Il est le produit de la volonté populaire, et dans le même temps, il ferme des médias qui lui sont hostiles, il entretient volontiers un culte de la personnalité qui rappelle, sinon le stalinisme, mais au moins le castrisme, par exemple. Donc c'est une démocratie qu'il faut évidemment nuancer, mais indéniablement, c'était une démocratie électorale, ce qui est le contraire du contexte actuel de Maduro. Et on va y revenir, bien sûr. Il y a quelque chose de passionnel autour d'Hugo Chavez, et pas seulement au Venezuela. C'est ça qui est intéressant. Vous parliez de symbole. Il est un symbole au-delà des frontières. Regardez l'attachement de Jean-Luc Mélenchon, notamment, et d'autres exemples à travers l'Europe, son attachement à Hugo Chavez. Pourquoi est-il si passionnel comme ça? C'est la force du symbole. Eh bien, justement, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il est l'un des premiers à l'échelle internationale à incarner une alternative au grand modèle néolibéral qu'au tournant des 20e et 21e siècles, l'essentiel des classes politiques internationales, des organisations internationales, voire des médias internationaux, impose. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Mélenchon va effectivement chercher, dès le début des années 2000, ses références en Amérique latine. Oui. N'oublions pas que Mélenchon a écrit un livre qui s'appelle « Qu'ils s'en aillent tous » et qui reprend un slogan argentin de 2001, autre lieu intéressant de la contestation du néolibéralisme, la grande crise argentine de 2001. C'était le grand slogan « Que se vayan todos ». Et Mélenchon reprend ça. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est le dégagisme. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué de revendiquer l'attachement à la révolution bolivarienne telle qu'elle est vécue aujourd'hui, parce que c'est authentiquement un régime très autoritaire à l'heure actuelle. On va y venir. Alors, on parlait de parallèle avec Castro, hein, Chavez, Castro, castrisme. On va écouter l'analyse sur ce point de l'écrivain Michel Colomb. Il s'est rendu sur place et il aborde le rapport étroit dans cette archive qu'entretenaient Chavez et Castro. Les États-Unis font un blocus économique contre ce pays depuis 40 ans. Les pays occidentaux, surtout les États-Unis, ont plongé l'Amérique latine dans une situation telle où une personne sur deux n'a pas les moyens de vivre décemment. Dans cette situation-là, si le Venezuela a du pétrole et Cuba a une expertise que tout le monde admire en médecins, en soins, en éducation, etc., pourquoi ne pas faire des échanges? Où est le problème? Castro a été un pionnier dans cette lutte de libération. Maintenant, il n'est plus tout seul. Il y a Chavez, puis il y a Evo Morales. Problème, si vous voulez absolument trouver des enfants, c'est que vous allez fabriquer beaucoup d'enfants à Castro. Donc vous voyez bien que ça dépasse le problème d'une relation tellement personnelle. Avant, les relations sociales, commerciales, étaient imposées par les États-Unis tout puissants. Donc c'est un système de troc qui veut dire que le commerce devient un peu équitable. C'est un mot galvaudé en Occident, mais ici, il prend une réalité. On pense qu'il faut exporter la révolution parce que les gens d'un pays ne sont pas capables eux-mêmes de savoir qu'il faut changer leur pays. Ça, c'est un cliché. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Effectivement, la relation entre Chavez et Fidel Castro était très forte pour la simple et bonne raison que l'élection de Chavez en 98 a sauvé la révolution cubaine. Faut pas oublier le marasme dans lequel Cuba plonge après la chute de l'URSS et l'isolement absolu des années 90 connu par à Cuba comme periodo especial, la période spéciale où effectivement on mourait de faim, il y avait plus d'électricité à La Havane, etc. Et là, miracle, Chavez arrive, envoie du pétrole, envoie toute une série de ressources en échange, effectivement, d'un certain nombre de savoirs techniques des Cubains, par exemple, de nombreux médecins, etc. Et donc, ce nous-là peut être une relation entre les deux individus, mais surtout une relation stratégique qui, à partir de laquelle, ensuite, va se transformer un petit peu la géopolitique latino-américaine des années 2000, puisque c'est autour de cet axe Caracas-La Havane que va se construire, par exemple, cette tentative d'intégration régionale connue sous le nom de l'ALBA, l'alternative bolivarienne pour les Amériques, et qui, à un moment donné, va inclure quasiment tous les gouvernements représentant le virage à gauche de l'Amérique latine. On vient de les évoquer, Evo Morales, Rafael Correa en Équateur, etc., etc., Lula au Brésil, etc. Bien sûr. Et sur la scène internationale, quel rapport le Venezuela entretient-il avec les grandes puissances européennes, États-Unis, on en a parlé, européennes, et aussi je pense à la Chine, je pense à la Russie, je pense à la Turquie, ces pays qui comptent hein, dans le jeu international. Alors, il y a différentes grilles de lecture. La première, c'est que il y a cette opposition viscérale aux États-Unis et donc la recherche d'autres alliances et cette idée que finalement les ennemis de mon ennemi sont mes amis, d'où le rapprochement avec la Russie ou avec l'Iran. En ce qui concerne l'Iran, il faut aussi quand même prendre la mesure de l'importance de l'enjeu pétrolier et de l'OPEP. Les pays membres de l'OPEP sont par définition des amis du Venezuela puisque c'est ensemble qu'ils peuvent réguler les cours du pétrole et ainsi la rente pétrolière dont ils bénéficient. Donc c'est assez compliqué, disons, de faire la part des choses de toutes ces alliances. Ce qui est certain, c'est que Chavez a essayé de sortir du giron états-unien dans lequel le Venezuela se trouvait au fond depuis le début du XXe siècle quasiment et de promouvoir d'autres formes d'intégration régionale. Et dans une certaine mesure, il a réussi. Il faut se souvenir que lorsqu'il arrive au pouvoir, Bill Clinton avait lancé le fameux projet de zone de libre-échange des Amériques. Un gigantesque marché commun, l'extension de l'ALENA, en fait, cette zone d'intégration Canada-États-Unis-Mexique, que Bush ensuite a repris à son compte. Et l'échec de la zone de libre-échange des Amériques est largement dû à l'action de Chavez et à ses contre-propositions d'intégration anti-États-Unis, en quelque sorte. Bien, alors on va en finir avec Chavez, on va passer à la situation aujourd'hui. On va écouter ce reportage réalisé par l'un de nos envoyés spéciaux au moment des obsèques de Chavez à Caracas, donc en 2013. Ils sont environ un millier debout sur la place. Tous ou presque portent un t-shirt ou un vêtement à l'effigie d'Hugo Chavez. Certains ont un bandeau qui leur barre le front avec ce message « Chavez toujours parmi nous ». La foule est calme et silencieuse. Quelques « Viva Chavez » sont scandés ça et là, mais le cœur n'y est pas vraiment. Douglas Gutiérrez a la casquette du commandante vissée sur la tête. Il a fait 2 heures de route depuis sa lointaine banlieue pour venir dans le centre historique de Caracas. Et il retient ses larmes avant de parler. « Hoy estamos llorando la muerte. » Aujourd'hui, on pleure la disparition physique de notre leader, de notre commandante. Mais je veux vous rappeler que ses ordres restent bien présents, qu'ils restent vivants dans nos cœurs. À Chavez, je veux dire au revoir, camarade, la lutte continue. Le gouvernement va décréter 7 jours de deuil national, les écoles et les administrations seront fermées, le pays va fonctionner au ralenti, mais Douglas a promis de revenir tous les jours sur cette place. Lui et les autres aimeraient rester ici toute la nuit, mais Caracas devient dangereuse le soir venu. Alors, drapeau sous le bras, ils repartent chez eux pour faire le deuil à la maison, en famille, comme s'ils venaient de perdre un proche. Caracas, Pierre-Philippe Berson, RFI pour France Inter. Ben voilà, ce sont des restes de ce qu'on pourrait appeler un culte de la personnalité. Oui, on le voit très bien à l'œuvre au moment des obsèques, effectivement, et on le voit toujours aujourd'hui. Hein, quand vous vous promenez dans les rues de Caracas, la figure de Chavez est infiniment plus présente sur les murs, sur les drapeaux, les banderoles, que celle de Maduro. Ouais. Donc évidemment, il y a une grande nostalgie, ce qui ne veut pas dire que tout le monde reconnaît un bilan extraordinaire à Chavez au Venezuela, parce que il y a de nombreuses ombres aussi hein, qui pèsent sur les années de Chavez. Allons-y, c'était la question que j'allais vous poser. pour finir avec lui. Alors, toute une série de problèmes chroniques qui affectaient le quotidien des Vénézuéliens qui n'ont évidemment pas été résolus. La question de l'insécurité, la question du logement. La corruption, qui est un mal bien plus ancien que le chavisme, évidemment, il faut toujours le rappeler. Il y a eu d'énormes scandales de corruption au début des années 90, notamment au sein du Parti Action Democratica, notamment, que vous évoquiez tout à l'heure. La corruption n'a pas été enrayée du tout. C'est le contraire sous le chavisme. Et puis surtout, je crois que c'est le principal point noir du bilan de Chavez, à un moment donné où il avait toutes les cartes en main, c'est-à-dire tous les pouvoirs politiques en gros, la présidence, les assemblées, les régions, et où il avait un baril de pétrole qui était entre 80 et 100 dollars, c'est-à-dire tournant les années 2000 et 2010, il avait peut-être l'occasion d'essayer de promouvoir un autre modèle économique que le modèle rentier. Et au fond, il ne l'a pas promu. Et que s'est-il passé en 2013-2014? Effondrement des cours du pétrole, donc il n'a pas vu ça, il est mort avant, effondrement des cours du pétrole, impossibilité de continuer à redistribuer la rente, souvent de manière un peu clientéliste, comme il l'avait fait dans les années 2000. Et là, c'est le début de l'effritement politique qui conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Erreur historique, faute historique. Mauvais choix historique. Sans doute. Les conséquences, on peut voir dès maintenant. Bien sûr, après, la question, c'est transformer un modèle économique qui, à 80 ans, ne se fait évidemment pas deux ou trois ans, mais il n'y a pas eu l'ombre d'une réforme de ce point de vue-là, et le Venezuela est entièrement resté dans cette logique rentière. Alors, on note que quand on parle du Venezuela, tant d'un point de vue de la politique intérieure qu'extérieure, la grille de lecture, c'est le pétrole. Absolument. On a prononcé le mot pétrole depuis le début de l'entretien à peu près 30 fois, et c'est bien normal. Alors, absolument. On a parlé du coup d'État de 2002. Alors ça, c'est une sacrée résonance avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, ça a une sacrée résonance, mais enfin, il faut quand même pas pousser trop loin la comparaison. Même si, évidemment, la situation est différente. En 2002, les choses sont très claires. Chavez est président, produit de la volonté populaire, et à un moment donné, l'opposition tente un coup d'État, qu'elle manque parce qu'à un moment donné, l'armée ne va pas jusqu'au bout et reste fidèle à Chavez. Et donc, c'est un coup d'État autoritaire manqué contre un pouvoir démocratique ou à peu près démocratique. Aujourd'hui, c'est certain que le statut de président de Juan Guaido n'est pas fondé constitutionnellement et que son autoproclamation est difficilement défendable en droit, mais elle s'est faite contre un régime qui lui-même a très largement transgressé les termes de la Constitution. Donc évidemment, on est dans des contextes radicalement différents. Voilà. Mais enfin, c'est un pays habitué aux coups d'État pour des raisons différentes. Alors c'est un pays de toute façon qui est marqué depuis son indépendance par des coups d'État. Il y a des dizaines et des dizaines de tentatives de prise de pouvoir par la force tout au long du 19e siècle au Venezuela. C'est un marqueur historique très fort du pays. Alors aujourd'hui, le président Maduro se dit ouvert à de nouvelles législatives, mais il refuse de mettre son mandat en jeu. J'aurais pu dire qu'il refuse de mettre son mandat en jeu, mais il est d'accord pour de nouvelles législatives. Où va le Venezuela, là, précisément, en fonction de ce que nous savons de la situation actuelle? Alors, je n'ai pas de boule de cristal et je suis plutôt historien, regardant vers le passé, mais on peut quand même faire quelques paris. L'opposition interne, le fait qu'aujourd'hui, une majorité des Vénézuéliens rejette le gouvernement de Maduro pour des raisons qui sont très claires, c'est qu'on meurt de faim au Venezuela. Oui. Aujourd'hui, on estime que 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Ce qui explique les 2,5 millions à 3 millions d'exilés depuis 2015, qui ne sont pas des élites qui s'exilent parce qu'elles n'aiment pas Maduro, mais c'est une émigration économique de gens qui, à un moment donné, ne peuvent plus survivre dans leur pays. Donc il y a ce phénomène de rejet très fort en interne, d'une part. D'autre part, vous l'avez vu, la communauté internationale, ou une bonne partie de la communauté internationale, en tout cas, appuie l'autoproclamation de Juan Guaido. Alors, les États-Unis, la plupart des pays de la région latino-américaine qui a basculé à droite depuis quelques années, et la plupart des pays de l'Union européenne. Donc, la décision va se jouer, comme toujours, à partir de l'armée, et un certain nombre de signes récents tentent à montrer que l'armée se fissure, et il ne serait pas du tout étonnant que l'armée bascule vers Guaido dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Un diplomate aux Nations Unies a dit qu'il faut que Maduro se décide à être soit Gorbatchev, soit Bachar al-Assad. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase qui est assez audacieuse, peut-être qu'elle dit aussi les vérités. J'espère pour les Vénézuéliens qu'il ne va pas être Bachar al-Assad. Évidemment. Je ne suis pas certain qu'il soit d'humeur ou d'un tempérament politique à être Gorbatchev. Ce que je pense, en revanche, c'est que la meilleure solution, sans doute, pour une sortie de crise, serait de parvenir à mettre les différents interlocuteurs autour d'une table, comme le propose par exemple le Mexique, aujourd'hui le nouveau président mexicain, López Obrador, et certainement pas de mettre de l'huile sur le feu, comme le font un certain nombre de grands voisins, les États-Unis, la Colombie ou le Brésil de Bolsonaro. Olivier Compagnon, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie. Je rappelle que, et si les auditeurs veulent aller plus loin dans cette thématique, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, et notamment, et on va conseiller celui-là, Le Venezuela au-delà du mythe, Autre. Même s'il est un peu ancien, évidemment. Oui, 2009, c'est vrai. Bon, mais sur l'histoire... Le contexte a changé. Le contexte a changé. Mais enfin, sur l'histoire de ce pays, qui nous permet de comprendre aussi le contexte, donc ça reste toujours valable. Qui permet de comprendre ce qu'a représenté le chavisme à un moment donné. Absolument. Merci infiniment. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Hugo Chavez, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui.